Les trucs à cousu, la boutique rachetée, a pas mal fait le tour. Les yeux noirs et la langue blanche, le corps de sang qui la ramène à maman. La fenêtre crache son ombre à terre, la mort sèche le laisser bouche bée. Puis les gars s'en vont, punchés, puis les gars s'en vont, punchés.